bonsoir. Je fais pas trop de bruit, bonsoir. Je me mets dans un petit coin de la salle. Je ne ferai pas de bruit. Oh non, oh non, oh non. Il est parti. Il est parti, mon ami. Thank you.